franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. James Bond a troqué son pistolet contre un ordinateur. Chacun le sait désormais. La véritable guerre secrète se déroule aujourd'hui sur le terrain économique. L'espionnage change donc progressivement de nature. On s'affronte désormais à coups de virus informatiques ou de systèmes sophistiqués d'intrusion dans les mémoires électroniques. Une cyberguerre mondiale qui mobilise les meilleurs cerveaux des services secrets et des organismes de sécurité. En France, qui n'est certainement pas le pays parmi les mieux protégés, ce sont 1000 attaques annuelles qui sont recensées. Mais combien d'autres passent inaperçues? C'est pourquoi le Parlement devrait adopter prochainement une loi renforçant les procédures et les systèmes de défense existants. Cependant, cette guerre économique souterraine qui a succédé à la guerre froide peut prendre d'autres aspects. C'est ce que m'a raconté M. X cette semaine en ouvrant le dossier de J'aime Plus, cette société française, leader mondial de la carte à puce, dont le trésor technologique a été l'enjeu d'une gigantesque bataille. Un conflit franco-américain qui a aussi permis l'émergence chez nous d'un nouveau concept, celui d'intelligence économique, c'est-à-dire, selon un spécialiste, la maîtrise et la protection de l'information stratégique pour tout acteur économique. L'histoire de J'aime Plus, c'est d'abord une success story telle qu'on a pu en observer sur la côte ouest des États-Unis. Ouais, en Californie, dans la Silicon Valley. Exactement. Au départ, en 1988, il y a 6 ingénieurs qui quittent leur entreprise, Thomson, pour se lancer dans l'aventure de la carte à puce. Un rappel d'abord. La carte à puce, créée par un inventeur génial, Roland Moreno, c'est une carte plastique dans laquelle on a incrusté un petit bout de silicium qui fonctionne comme un ordinateur minuscule, avec son propre système d'exploitation et ses logiciels. Et qui équipe aujourd'hui nos téléphones, nos cartes bancaires, etc. Non seulement cette carte stocke des informations, mais grâce au procédé de calcul cryptographique dont elle est pourvue, elle offre une sécurité de transaction quasi absolue. Ouais, bref, elle est inviolable. C'est cela. Ouais. Et c'est une formidable avancée technologique que Moreno a imposée, non sans vaincre bien des réticences, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, cette poignée d'ingénieurs de Thomson, avec l'accord de Moreno, crée leur propre société. J'aime plus. J'aime, parce que la nouvelle entreprise s'installe dans une zone défiscalisée de la banlieue marseillaise, Gémenos. L'objectif, c'est donc la fabrication et la commercialisation de cartes à puce. Et le démarrage est spectaculaire. Grâce à un gros contrat avec France Télécom pour la production de ses télécartes téléphoniques, grâce aussi à de nombreuses aides publiques, J'aime Plus devient rapidement une entreprise très rentable. Son patron, Marc Lassus, est un personnage charismatique qui rassemble autour de lui des dizaines d'autres ingénieurs. Et les puces électroniques envahissent peu à peu notre vie quotidienne. Bien sûr, on les trouve dans les cartes bancaires ou médicales, mais aussi dans les titres de transport et quelques documents officiels comme les passeports. J'aime Plus, qui croît de 40% chaque année, devient le leader mondial de cette technologie et s'implante un peu partout à l'étranger. Toutefois, exception notable, les États-Unis n'adoptent pas la carte à puce et demeurent fidèles aux cartes à bande magnétique, en dépit du fait qu'on peut les contrefaire. Et ça entraîne des fraudes. Considérable, oui. Mais les banques américaines estiment que ça leur coûterait encore plus cher de changer tous les terminaux de paiement installés chez les commerçants. Et il faudra de longues années avant que la carte à puce commence à conquérir les États-Unis. Et même aujourd'hui, cette avancée reste très timide en matière bancaire. C'est d'autant plus surprenant qu'outre-Atlantique, les milieux économiques et industriels, et aussi les services de renseignement, ont compris depuis longtemps l'intérêt que représentait l'invention française de la carte à puce. Ils ont même été si persuadés qu'ils ont tout fait pour en connaître les secrets. Enfin, n'allons pas trop vite. Bien évidemment. En tout cas, J'aime Plus, c'est donc une entreprise florissante. Qui accompagne la naissance, puis la véritable explosion de la téléphonie mobile. Et les cartes SIM. Oui, mais comme toute société qui brûle les étapes, il lui faut, pour se développer encore plus, faire appel à des partenaires. Oui, des partenaires qui lui apportent des capitaux. En effet, c'est le destin de toutes les start-up qui connaissent un succès fulgurant. Et c'est d'abord la famille Kant qui entre au capital de J'aime Plus. Ouais, les Kant, propriétaires de BMW. Hein. Entre autres, oui. Ouais. Rappelez-vous, je vous ai parlé des Kant, qui avaient autrefois entretenu des relations privilégiées avec les nazis. Oui, un Kant avait même été le premier mari de Magda Goebbels. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les Kant se sont refait une virginité, comme beaucoup d'autres industriels allemands. Enfin, passons. En 1997, premier trou d'air, la crise économique asiatique frappe J'aime Plus, qui a beaucoup investi en Chine et à Singapour. L'année suivante, pour renforcer l'entreprise, Marc Lassus imagine l'entrée en bourse de l'entreprise. Mais les autres actionnaires, parmi lesquels quelques-uns des fondateurs, s'y opposent. En même temps, Lassus prend le large et s'installe à Londres. Un exil fiscal ? Tout à fait. Est-ce qu'il abandonne pour autant J'aime Plus ? Non, il demeure chargé de la stratégie et surtout actionnaire. Il est vrai qu'il a pris quelque peu ses distances. L'année suivante, 1999, est une année clé pour le destin de J'aime Plus. Un important fonds d'investissement américain, Texas Pacific Group, TPG, frappe à la porte de l'entreprise. Et TPG veut entrer dans le capital. Évidemment. Mais par deux fois, ce fonds d'investissement était conduit. Et pour quelle raison ? L'arrivée de TPG se traduirait forcément par une dilution de l'actionnariat originel. Oui, mais les fondateurs y sont opposés. Mais TPG n'entend pas renoncer. Une troisième fois, le fonds américain revient à la charge et Marc Lassus, le dirigeant historique, est incontestablement ébranlé. Et même séduit. Ah, il va céder. Oui. Ouais. Après toutefois, des négociations très serrées, car TPG est très gourmand. Les Américains, qui sont prêts à investir un demi-milliard de dollars, veulent 33% du capital. Ouais. La somme est considérable, le pourcentage aussi. Ouais, je reviendrai sur ce point précis, car il est très révélateur de la nature profonde de cette opération. Quoi qu'il en soit, les dirigeants de J'aime Plus n'acceptent pas une prise de participation aussi importante. Et finalement, un accord est trouvé à 26%. Mais TPG, devenu le plus gros actionnaire, exige parallèlement le droit de nommer le président du groupe et le transfert du siège juridique au Luxembourg. Encore une fois, pour des raisons fiscales. Bien entendu. Mmh. En même temps, TPG obtient de nommer la majorité des membres du conseil d'administration. Mmh. Alors, J'aime Plus se trouve donc presque entièrement dans la main des Américains, là. Mais quel est l'intérêt des premiers actionnaires pour se livrer ainsi à un fonds d'investissement ? La suite, car c'est lui qui a été le principal promoteur de cette opération, espère accélérer la croissance de J'aime Plus dans plusieurs domaines innovants, comme par exemple les communications sans fil et le commerce électronique. Mais il compte surtout se faire une place sur le marché américain. Grâce à TPG. À noter également que personnellement, l'ASU est loin d'être perdant. À l'occasion, il empoche 70 millions d'euros de stock options. Joli pourboire, hein. Ou le cadeau de remerciement pour avoir permis cette prise de participation. Ouais. Alors revenons là, sur ce que vous disiez, l'importance de l'investissement de TPG. Il faut d'abord noter que ce fonds d'investissement, qui dispose de 10 milliards de dollars, ne consacre jamais plus de 150 millions de dollars à ses participations dans des sociétés européennes. Mmh. Avec J'aime Plus, c'est 3 fois plus. Et ça étonne les spécialistes des marchés boursiers. Autre interrogation. Ce considérable investissement intervient à un moment peu favorable. En 2000, la bulle spéculative autour des entreprises technologiques a tendance à se dégonfler et le marché n'est guère brillant. Enfin, selon les ratios habituels, cet investissement de plus d'un demi-milliard de dollars paraît disproportionné. C'est-à-dire ? En 2000, J'aime Plus affiche un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros, mais ne produit que 90 millions de profits. Et l'année suivante, le chiffre d'affaires tombe à 850 millions d'euros. Alors, selon les spécialistes, la TPG aurait fait une mauvaise affaire ? Apparemment, oui. Et les premiers à se poser les questions sont les salariés de J'aime Plus. D'autant qu'en cette année 2000, ils constatent que la plupart des dirigeants historiques de l'entreprise sont renvoyés et remplacés par des hommes de TPG. Ces employés ont donc peur d'être peu à peu éliminés ou absorbés par la partie américaine de la société. Et même de voir les activités de J'aime Plus purement et simplement déplacées aux États-Unis. Déjà, la direction parle de restructuration. Mais en général, ça veut dire licenciement, ça. Hein. Mais on n'en est pas encore là. La restructuration envisagée consiste dans un premier temps à scinder les activités de J'aime Plus en deux secteurs. L'un, celui des cartes à puces, resterait en France, au moins provisoirement. Et l'autre, celui des télécommunications, partirait outre-Atlantique. Et ça, ce n'était guère rassurant. Hein. Marc Lassus lui-même finira par s'en rendre compte quand la rumeur d'une installation du siège de J'aime Plus en Californie commence à courir. Il le dit à sa manière. « J'ai introduit le loup dans la bergerie et je me suis fait couillonner. » Mais affirmant cela en 2001, il est encore loin de soupçonner la vérité. Docteur en sciences de l'information et de la communication, Nicolas Moinet a consacré un petit livre très pointu à J'aime Plus, Les batailles secrètes de la science et de la technologie. J'extrais ces quelques lignes de son introduction. L'auteur s'interroge sur l'évolution de J'aime Plus après la prise de participation de TPG. S'agit-il de la mutation logique d'un fleuron de l'industrie française qui, tout en visant le marché américain des cartes bancaires, doit faire face à une crise des télécommunications. Ou s'agit-il plutôt d'une manœuvre liée au rôle clé de la technologie de la carte à puce dans les intérêts stratégiques des États-Unis. Et pourquoi pas un mélange des genres. Une véritable énigme sur fond de guerre secrète et d'innovation. Si la sécurité est au cœur de cette énigme, c'est que le développement de la carte à puce y trouve sa source. Protection des transactions financières, cryptographie, certification. Rien d'étonnant donc à ce que la guerre économique se soit développée dans ce secteur et ait frappé de plein fouet son leader mondial, l'entreprise française J'aime+. Pourquoi ? Et comment la réussite insolente d'une start-up de Provence a-t-elle pu ainsi tourner au cauchemar ? Erreur de management ou déstabilisation orchestrée ? Le livre de Nicolas Moinet est paru en 2003 chez Lavoiselle. Avant d'aller plus loin, je vous propose de nous intéresser à ce fonds d'investissement, Texas Pacific Group, créé en 1993. Et autant vous le dire tout de suite, cet organisme qui gère une dizaine de milliards ne brille guère par sa volonté de transparence. Qui le dirige là ? Un nommé David Bonderman, un avocat devenu millionnaire grâce à ses activités professionnelles. D'abord spécialisé dans les faillites, il a travaillé plus de 10 ans en tant qu'associé dans un cabinet spécialisé dans les affaires sensibles. Sensibles à des affaires politiques ? Si on veut. Enfin, des affaires relevant de la sécurité nationale et du renseignement. Ah, c'est déjà plus intéressant. Oui, vers ce cabinet. Arnold Desporter a la réputation d'entretenir des liens plutôt étroits avec la CIA. Ainsi, c'est ce cabinet qui a monté la structure juridique d'un autre fonds d'investissement, InQtel, dont je vous parlerai plus longuement. Et pourquoi ? Mais parce que cet autre fonds est une émanation directe de la CIA. Autre curiosité. La majorité des associés d'Arnold Desporter sont liés à la CIA. Par conséquent, ce Bonderman aussi. Bah, on peut l'imaginer. À noter également que l'opération de TPG sur J'aime+ a été soutenue par une agence états-unienne qui finance certains investisseurs à l'étranger et qui est elle-même dirigée par un ancien membre du Conseil de sécurité nationale américain. Bref, tout ça sans les spionites. En effet, il faut observer aussi que TPG a intensifié ses interventions en Europe à partir du milieu des années 90. Dans quel secteur ? C'est très varié. TPG a investi dans l'agroalimentaire, la distribution, la santé et les compagnies aériennes. Mais bien sûr, les opérations les plus importantes ont eu lieu dans les hautes technologies et les télécommunications. Dernier détail anecdotique, le logo de TPG représente une étoile sur fond de bannière états-unienne. Ouais. Comme si ce fond était une structure officielle. Enfin, c'est l'impression que ça donne et ce n'est pas un hasard. Alors, tout cela mérite des explications. Aussi, avant de voir la suite de l'histoire de J'aime+, il me faut faire une longue parenthèse sur la guerre économique telle que les États-Unis la conçoivent. Une observation d'abord. La culture anglo-saxonne a toujours accordé une place centrale au renseignement économique. Et très tôt, les Américains ont mis en place un véritable dispositif national de protection des secteurs jugés stratégiques. Et en premier lieu, les technologies de pointe. Un système purement défensif. Oui, mais ça ne suffisait pas. Il leur fallait aussi anticiper. Et les services de renseignement états-uniens ont alors entamé une véritable révolution culturelle. Révolution culturelle, expliquez. Il s'agit d'introduire les meilleures pratiques du privé dans leur fonctionnement et aussi de multiplier les passerelles avec les décideurs économiques. Le résultat, c'est la création de ce fonds d'investissement dont je vous ai parlé, InQtel. Curieux nom, hein ? Oui, une sorte de clin d'œil. IN, c'est bien sûr intelligence, au sens anglo-saxon de renseignement. Oui, comme dans Intelligence Service. Hein. Mais c'est Q le plus amusant. Souvenez-vous, Q, c'est le fournisseur de gadgets de James Bond dans les services d'espionnage de sa gracieuse majesté. Oui, alors un peu d'humour britannique. Et TEL signifie télécommunication. InQtel est donc un fonds d'investissement créé et financé directement par la CIA, qui s'est installée dans la Silicon Valley, au plus près des industries qui développent les nouvelles technologies. Il s'agit quand même d'un curieux mélange des genres. Là, en France, je ne vois pas la DGSE se doter d'un fonds d'investissement. Hein. C'est vrai, mais aux États-Unis, les relations entre l'industrie et les services de renseignement ne choquent pas. Selon les spécialistes, Elles font même partie de cette culture du renseignement qui concerne autant la sécurité nationale que la compétitivité des entreprises. Et puis, soyons clairs, il y a la volonté américaine de conserver leur domination technologique. Oui, l'impérialisme américain, comme on disait il n'y a pas si longtemps. Hein. Et qui, lorsqu'il le faut, peut se montrer très agressif. Pour mémoire, je vous rappelle par exemple que l'administration états-unienne a tout fait pour retarder la fusion Alcatel-Lucent. Oui, parce que Lucent était censé posséder des secrets technologiques qui ne devaient pas être partagés. C'est ça. Ouais. Et au fond, c'est une histoire, j'aime plus à rebours, vous comprendrez pourquoi. Le premier président américain à avoir fait de l'intelligence économique une priorité était George Bush Senior, qui a été élu en 1988, alors que l'Empire soviétique commençait à vaciller. Bush qui a été auparavant patron de la CIA. Hein. Ceci expliquant cela. Bush, très proche des milieux d'affaires, a donc compris que la guerre économique succéderait à la guerre froide. Il a commencé par créer un institut qui a recommandé aux agences de renseignement et de sécurité de tout faire pour décourager les curieux s'intéressant de trop près aux technologies américaines. Bill Clinton, qui lui succède, est sur la même ligne. Son secrétaire d'État, Warren Christopher, déclare même que la sécurité nationale des États-Unis est inséparable de la sécurité économique. Ouais. Mais pour l'instant, il s'agit surtout de se doter d'outils administratifs et politiques défensifs contre les menaces extérieures. C'est exact. Et sous Clinton, on voit apparaître un nouvel organisme rassemblant des cadres supérieurs et des dirigeants de grandes entreprises, chargés de conseiller le gouvernement et ses agences de sécurité. Une structure qui a un accès direct à la CIA. Mais vous avez raison, pour l'instant, les Américains pensent d'abord à se défendre. En principe, parce que déjà la Maison-Blanche envisage d'aller plus loin. Et donc de passer à l'offensive dans la guerre économique ? Oui, et on en a une première idée en 1995, lors d'une conférence à Washington. Des conseillers du président laissent entendre qu'en matière de renseignement économique et politique, la guerre de l'information est légitime. Ouais, c'est-à-dire l'espionnage. Bien entendu. Ouais. Et la même année, le Los Angeles Times révèle que Clinton a ordonné à la CIA de mener des opérations d'espionnage économique contre les rivaux commerciaux des États-Unis, y compris leurs alliés les plus fidèles. Les Britanniques, qui seront d'ailleurs conduits à se plaindre après avoir découvert que la CIA recrutait des agents à l'intérieur de leurs grandes entreprises et procédait à des écoutes téléphoniques. Toutefois, officiellement, les agents américains ne font que protéger les intérêts économiques de leur pays. Ouais, pourtant, il semble que c'était la même époque là, qu'on a pris sur le fait des espions américains qui avaient tenté de recruter un haut fonctionnaire français afin de lui soutirer les informations sur les négociations commerciales internationales. Hein. Les négociations sur le GATT, oui. Ouais. Et l'affaire avait fait un certain bruit en 1995. Cependant, 2 ans plus tard, c'est un ancien directeur adjoint de la CIA qui mange le morceau. Ce type, John Grannon, discourant devant un club très coté d'entrepreneurs, révèle la nouvelle position des services américains. Il laisse entendre clairement que ces organismes se donnent les moyens non seulement de surveiller les fluctuations boursières internationales et les grandes évolutions économiques, mais également d'agir sur elles en les manipulant au profit des États-Unis. La suite est parfaitement logique. Que voulez-vous dire là ? Comment procéder pour atteindre ces objectifs ? Eh bien, en s'introduisant dans les rouages même de l'économie. Et dès 1998, Ruth David, une spécialiste des microprocesseurs, qui a été l'une des dirigeantes de la direction sciences et technologies de la CIA, puis la conseillère du directeur de la CIA, est chargée d'étudier un projet de fonds d'investissement pour les nouvelles technologies. Ah oui, alors ça se traduira par la création de ce fonds Incutel. Un fonds qui s'intéresse plus particulièrement à certains types de technologies. Les logiciels d'analyse, les technologies de la biologie, des nanotechnologies, de la chimie, de la communication, de la sécurité digitale, bref, etc. Bref, tous les secteurs innovants. Well, je reviens un instant à GEMplus. L'un de ses directeurs, nommé par Texas Pacific Group en 2002, Alex Mandel, est un ancien administrateur d'Incutel. Mais curieusement, Mandel a oublié de le mentionner sur son CV. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Journaliste d'investigation bien connu, Frédéric Charpier vient de publier au Seuil « L'économie, c'est la guerre ». ». un ouvrage où il passe en revue plusieurs affaires où sont impliqués des espions. Dans ce passage, il donne des précisions sur InQtel. La société dispose de bureaux secrets qui hébergent son siège en Virginie, dans la ville de Roslyn, non loin de Washington, et d'autres en Californie, moins confidentielles, dans la Silicon Valley. InQtel a donc quasiment pignon sur rue et ne fait pas mystère de ses liens avec la CIA. À ses débuts, le fonds dispose d'un budget de 28 millions de dollars et son premier PDG est Gilman Louis. Diplômé en 1983 de l'Université de San Francisco, Louis est notamment connu pour avoir créé un logiciel de simulation de vol. À l'époque où il rejoint InQtel, il dirige la branche d'Hasbro, spécialisée dans les jeux vidéo. Depuis ses débuts, le conseil d'administration d'InQtel a compté parmi ses membres très connus et emblématiques James Barksdale, l'ex-PDG de Netscape, ou Norman Augustin. InQtel finance des recherches dans des domaines précis et signe par exemple un contrat avec la société Electro-Énergie pour développer une pile bipolaire au lithium qui fait désormais l'objet de furieuses convoitises. Je termine rapidement cette longue parenthèse sur l'évolution des doctrines états-uniennes du renseignement avant de revenir sur l'histoire de J'aime plus. Les offensives américaines en matière de guerre économique sont donc de plus en plus décomplexées. Et la CIA agit presque à visage découvert. N'exagérons pas, mais c'est vrai, la CIA ne nie plus systématiquement. Et l'un de ses anciens directeurs, James Wolsey, qui sera aussi l'un des plus fidèles supporters de George Bush Jr., publiera même un article intitulé « Pourquoi ?» Nous espionnons nos alliés. Ça, c'est clair. Comment se justifie-t-il, là? C'est très simple. Cet espionnage est nécessaire, car les Européens faussent la concurrence en distribuant des pots de vin pour emporter des marchés. Donc l'espionnage des concurrents permet de rétablir l'équilibre. Et bien sûr, c'est parfaitement hypocrite. D'autant que certaines grandes firmes américaines, comme Lockheed, ont été prises le doigt dans le pot de confiture. Mais je poursuis. Fin 2000, un pas supplémentaire est franchi par la Maison-Blanche. Une directive présidentielle crée une structure dont l'acronyme est NCIX, qu'on peut traduire par Direction nationale de la contre-intelligence. Cette nouvelle entité devient le lieu du dialogue entre l'administration et les acteurs privés pour identifier et empêcher les menaces contre les intérêts politiques, économiques et militaires des USA. Et passer à l'attaque le cas échéant. Évidemment. Ouais. Dernier point que je voudrais souligner, et c'est capital, et d'ailleurs c'est l'une des clés de l'affaire J'aime plus. Les services de renseignement américains sont littéralement obsédés par la cryptologie et tous les problèmes qu'elle induit. Ouais. Pourquoi cette obsession? C'est très simple. Les Américains veulent pouvoir lire à livre ouvert dans toutes les informations qui circulent dans le monde. Et grâce à leur réseau d'espionnage technologique, la échelon. Or, des messages cryptés peuvent leur échapper. Cette obsession est allée si loin que dans les années 90, l'administration états-unienne a exercé une pression sur les industriels afin qu'ils ménagent une porte arrière dans leur logiciel de cryptage. C'est-à-dire une entrée qui permettait aux services de renseignement de pénétrer les messages chiffrés, c'est ça, hein? Et les industriels ont accepté? Certains, oui. Ceux qui vivaient des commandes du Pentagone pouvaient difficilement refuser, mais d'autres ont refusé, car la présence de cette porte arrière réduisait le niveau de sécurité des logiciels qu'ils proposaient à leurs clients. Et notez bien, et ça nous ramène directement à J'aime plus, que la cryptologie mise en œuvre dans les cartes à puces était un sacré caillou dans les chaussures des espions économiques. Il devenait donc urgent de combler le retard technologique des États-Unis dans ce domaine. D'où la création par la CIA InQtel. Et bientôt, la participation de TPG dans le capital de J'aime plus, leader mondial de la carte à puce. Ouais, prise de participation qui s'apparente à une prise de contrôle. Hein. En effet, on va en avoir progressivement la preuve. Première décision étrange de la nouvelle direction. Le rachat pour 50 millions d'euros d'une société allemande, couverte de dettes, détenue par une société suisse en faillite, elle-même détenue à 95% par TPG. Une opération d'autant plus étonnante que J'aime plus s'emploie alors à se séparer d'un grand nombre d'activités jugées pas assez rentables. Vous avez une explication, là? Oui. Il s'agit clairement de dégrader les comptes de J'aime plus. une logique financière qui permet à TPG de mieux contrôler Gênes Plus et donc de pouvoir piloter librement la société avec un objectif prioritaire, l'émigration aux États-Unis d'une partie de l'équipe recherche et développement. C'est-à-dire le cerveau de l'entreprise. Oui, mais pour aboutir à ce résultat, il faut se débarrasser de Marc Lassus. Une sérieuse épine, là. Son départ est programmé par les Américains à plus ou moins courte échéance. Mais Lassus est quand même le fondateur de la boîte et il conserve de l'influence. Pour l'éliminer, il faudra donc essayer de le discréditer. En attendant, Gênes Plus vit en 2001 une année catastrophique. Pour la première fois depuis sa création, Gênes Plus affiche des pertes. Mais attendez, 2001 à cause des attentats du 11 septembre est une mauvaise année pour l'économie mondiale. En particulier dans le domaine des télécommunications. Mais en l'occurrence, c'est d'abord avant le 11 septembre, une conséquence d'une entrée en bourse mal gérée qui voit l'effondrement de l'action Gênes Plus. On observe aussi une détérioration du climat de confiance à l'intérieur de l'entreprise et une violente crise de management, tandis que les dirigeants s'accordent des monceaux de stock options. On parle de plus en plus de plans sociaux pour les salariés. Ouais, j'imagine que les syndicats crient au scandale. Bien sûr. Ouais. Mais s'agit-il encore, enfin, de la part des Américains, d'une volonté d'affaiblir Gênes Plus? En tout cas, ça y ressemble. Et ça va de pair avec le bruit de plus en plus insistant que les brevets de la société, son siège social, vont prendre le chemin de l'Amérique. La colère monte donc chez les salariés. Quant à Lassus, il ne supporte plus le directeur nommé par TPG, un certain Pérez. Ce qui, entre parenthèses, n'empêche pas les deux hommes de s'octroyer de conserve des stock options. Pour les Américains, il s'agit peut-être d'acheter Lassus. Pourquoi pas? Début juillet 2001, les syndicats demandent le départ des actionnaires américains et de Pérez. Et en septembre, le comité d'entreprise de Gênes Plus demande l'ouverture d'une enquête judiciaire sur la société. Mmh. Avec quels arguments? La création de la holding Gênes Plus internationale basée au Luxembourg aurait permis un certain nombre d'opérations répréhensibles et même condamnables au pénal en France. En décembre, les choses se précipitent. Pérez part avec un pactole de 50 millions d'euros. Et Marc Lassus quitte la tête du conseil d'administration avec lui aussi beaucoup d'argent. Et un nouveau patron est nommé alors. Ronald McIntosh, présenté comme indépendant par les Américains. Pourtant, on s'apercevra qu'il est lié depuis longtemps à TPG et qu'il a même été le directeur pour l'Europe d'un des plus importants contractants de la NSA, la plus puissante et la plus secrète agence de renseignement des États-Unis. Son indépendance est donc fortement suspecte. En 2002, les tensions persistent car on continue à restructurer. 1000 emplois supplémentaires sont supprimés. En seulement 2 ans, les effectifs de Gênes Plus sont diminués de 40%. Toujours en 2002, il se murmure que les services de renseignement français commenceraient à s'intéresser à Gênes Plus. À cause des menaces de transfert frauduleux de technologies. Les autorités françaises se disent impuissantes à intervenir tant que les faits ne sont pas avérés. Le ministère de l'économie déclare même qu'il ne peut rien faire dès lors qu'il s'agit d'une entreprise privée, même s'il s'agit du fleuron de la haute technologie française. En août 2002, nouveau changement de patron. McIntosh est viré. À cause de son passé? Et il est aussitôt remplacé par Alex Mandel, un austro-américain présenté comme un des hommes d'affaires les plus puissants d'Amérique. Mais lui aussi est lié de près aux différentes agences de renseignement via le fonds Intiotel. En outre, il appartient à un think tank ultra-conservateur qui est un refuge pour les anciens du renseignement américain. Avec ce personnage, la menace de transfert technologique aux États-Unis se précise. Et en même temps, le couperet tombe sur la tête de Lassus. Il est viré du conseil d'administration ainsi qu'un autre administrateur, un certain Ziad Takieddine. Mais décidément, il était partout celui-là. Et que reproche-t-on à Lassus? Il aurait critiqué la nomination de Mandel et donc fait preuve de déloyauté. Mais on l'accuse aussi de n'avoir jamais rendu l'argent des stock options acquises lors de l'entrée en bourse. Selon les Américains, c'est seulement un prêt. Lassus doit donc s'incliner. Et à l'occasion, il doit reconnaître qu'il s'est montré bien naïf et qu'il a trop vite été attiré par l'odeur de l'argent que lui proposaient les actionnaires américains. Mais un aveu bien tardif. Hein. Pourtant, Lassus, avant de quitter Gênes Plus, se venge à sa façon. Il vend les 10% de ses parts de Gênes Plus au groupe électronique français, Sagem. Mais c'est un coup pour rien. Les dirigeants de cette société refuseront de se mêler des querelles entre administrateurs. Et un an plus tard, ils revendront leurs actions Gênes Plus en obtenant 15 millions d'euros de plus-value. Ce qui signifie que désormais, les Américains sont enfin les seuls maîtres à bord. Mmh. Ils peuvent agir à leur guise, alors. Et aujourd'hui encore, on se demande ce qu'ils ont pu soutirer de J'aime plus. Voler, vous voulez dire? Peu importe le mot. Ce qui est notable, c'est que peu à peu, sans doute, parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils vont se désengager. En 2006, J'aime plus fusionne avec son concurrent, Axalto, pour devenir Gemalto. Et 3 ans plus tard, l'État français, via le Fonds d'investissement stratégique, rachète 8% du capital de Gemalto et devient l'actionnaire principal de l'ex-J'aime plus. D'ailleurs, dès l'année suivante, TPG vendra ses dernières actions, non sans réaliser une jolie plus-value. Ne peut-on penser là que dans cette affaire, le gouvernement a tardé à intervenir, hein? C'est certain, car au cours de ces années perdues, J'aime plus a été une cible idéale qui a permis aux Américains de rattraper leur retard en matière de cartes à puce. En acquérant le savoir-faire français et en y associant leurs équipes de cryptographes, ils sont ainsi devenus les leaders mondiaux du marché de la sécurité. Et cerise sur le gâteau, leurs services de renseignement ont pu disposer d'informations leur permettant d'accéder à des données jusqu'alors inaccessibles. Parce que, je vous l'ai laissé entendre, telle est la clé de l'affaire J'aime plus, la carte à puce étant inviolable, les grandes oreilles états-uniennes demeuraient partiellement sourdes tant qu'elles n'avaient pas percé ses secrets. La France a donc réagi tardivement. Mais à l'initiative en particulier du député Bernard Carayon, auteur d'un rapport officiel sur l'intelligence économique en 2003, les autorités ont commencé à tirer les leçons de l'affaire J'aime plus. Il existe aujourd'hui un arsenal autour de l'intelligence économique et 2 fonds d'investissement français ont été créés pour éviter que les start-up ne soient achetées par des fonds étrangers. Délire, pour y voir plus clair dans cette ténébreuse affaire, déjà cité L'économie, c'est la guerre de Frédéric Charpier, mais aussi France-États-Unis, 50 ans de coups tordus de Fabrizio Calvi et Frédéric Laurent, Les États en guerre économique d'Ali Laïdi. Et enfin, l'enquête très fouillée du chercheur Nicolas Moinet sur l'affaire J'aime plus, les batailles secrètes de la science et de la technologie, J'aime plus et autres énigmes. À samedi prochain, vous pouvez avoir rendez-vous avec nous sur franceinter.fr. Cette émission a été préparée par Rebecca de Nantes, réalisée par Michel Billoux et mise en musique passionnément par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour, de Denis Chessou.